إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومرسي الله سبحانه وتعالى de nous permettre de participer à cette conférence organisée par le Merkez Al-Ghuraba. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, la sincérité dans nos paroles et actions. Puis je remercie les frères qui ont organisé cette conférence, ainsi que ceux qui ont participé. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner et de leur donner le succès et la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, je tiens à rappeler que les paroles que je vais mentionner par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sont basées sur les paroles de nos savants de la Sunna. Et je tiens aussi à préciser que certaines paroles de nos savants ont été raccourcies dues à leur longueur et pour en faciliter l'écoute et la compréhension. J'ai aussi traduit les paroles des savants et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre cet audio bénéfique à tous les auditeurs, notamment les francophones qui n'ont pas accès malheureusement à la langue arabe. Comme vous le savez, chers frères et sœurs qui nous écoutent, le sujet de cette conférence porte sur la hijra, l'immigration. Un sujet, comme vous le savez, d'une grande importance. Un sujet malheureusement qui est très peu mentionné. D'ailleurs, je remercie nos frères prédicateurs qui ont fait l'effort dans le passé et qui font l'effort aujourd'hui de parler de ce sujet important, que ce soit dans leurs cours religieux ou lors des conférences. C'est donc un rappel très bénéfique, inshallah ou ta'ala, pour tout le monde. Et certes, le rappel profite aux croyants, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Dans la traduction du sens, « et rappelle, car le rappel profite aux croyants ». On va par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala mettre en évidence et clarifier à travers les preuves basées sur le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ainsi que les paroles des savants, l'obligation de la hijra et l'interdiction de résider dans les pays de mécréance. Mais avant de commencer, qu'Allah vous préserve, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de faire la hijra et d'avoir accompli cette œuvre pieuse, car c'est certes un grand bienfait qu'Allah nous a fait grâce. Et c'est seulement par sa miséricorde qu'on a pu accomplir cette œuvre. Et je demande à Allah, le Tout-Puissant et Grand, qu'il facilite mes frères et sœurs la hijra. J'aimerais attirer votre attention sur un point très important. Le but de cette conférence est avant tout de rappeler sincèrement nos propres personnes et de conseiller nos frères et nos sœurs afin qu'ils puissent se réveiller et qu'ils prennent conscience qu'il faut quitter au plus vite selon leur capacité ces pays de mécréance. Et comme nous l'a enseigné notre prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a dit « Ad-dinun nasiha » La religion, c'est le bon conseil. Nous demandâmes « Envers qui ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Envers Allah, son livre, son envoyé, les imams et l'ensemble de la communauté musulmane. » Et le hadith est rapporté par Muslim. C'est donc un conseil et un rappel pour nous-mêmes avant tout, ainsi qu'à vous, chers frères et sœurs, car c'est une affaire importante. un sujet digne d'être mentionné et qui demande d'écouter attentivement, non seulement avec les oreilles, mais aussi avec le cœur. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui l'a guidé, car ce sont eux les doués d'intelligence. Ceci étant dit, on va tout d'abord définir ce qu'est la hijra dans la langue arabe. Le mot hijra vient du verbe hajara. Yahjuru hajran wa hijrana. Et comme a dit Ibn Faris, rahimahullah, dans le livre Mu'jam Maqais al-Lugha, le mot hajr, le délaissement, est le contraire de al-wasl, qui est l'union. Ainsi, le mot hijrana, qui est le fait d'immigrer, signifie le fait de se déplacer d'un endroit vers un autre, d'un pays vers un autre, c'est-à-dire qu'il a laissé le premier pays pour se rendre vers le deuxième, comme ont fait les muhajiroun lorsqu'ils ont quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Et je donne un bénéfice dans la langue arabe, qu'Allah vous préserve. Comme a dit Ibn Manzur dans Lisan al-Arab, le livre Lisan al-Arab, tu peux dire al-hujra avec une damma sur le ha. Donc tu peux dire al-hijra et al-hujra. Et comme nous dit Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, la définition du mot hijra dans la langue arabe est plus vaste que la définition dans la religion. Et la hijra, dans la religion justement, comme l'ont défini les savants, consiste à quitter les pays de mécréance vers les pays de l'islam. Et sachez qu'Allah vous préserve que ceci est la voie des prophètes, alayhimu salam. Certes, Ibrahim, alayhi salam, a fait la hijra. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « فَآمَنَ لَهُ لُوطَ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah dit dans la traduction du sens est, l'autre crut en lui. Il dit, moi, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Il a certes immigré vers le Chem, le nord de l'Arabie, et il est ensuite parti vers la Mecque. Et il a certes découlé de cela un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la construction de la Kaaba, comme vous le savez. Et Moussa alayhi salam a fait la hijra vers Médiane. Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de grands bienfaits durant la hijra, durant cette hijra. Allah l'a certes sauvé de Pharaon, Allah envoya par la suite Moussa et son frère Haroun pour appeler Pharaon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il refusa. Ensuite, Moussa fit la hijra avec Banu Israël pour sauver leur religion et vous connaissez tous l'histoire. Walillahi alhamd. Et notre exemple à tous, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des envoyés et la plus noble des créatures, le dernier des messagers, a fait la hijra de Mecca vers Médine. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire la hijra de Mecca vers Médine, alors que Mecca est la ville la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le noble compagnon, qu'Allah les agrée tous, ont fait la première hijra vers l'Abyssinie. Et ensuite fait la deuxième hijra en rejoignant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ceci est la voie des vertueux, mes frères. Jusqu'à aujourd'hui, qui est de délaisser les pays de mécréance vers les pays de l'islam. Certains pieux prédécesseurs disaient « Il ne faut pas rester dans un pays où on insulte les pieux prédécesseurs. » Que dire alors mes frères, mes sœurs, de rester dans un pays de mécréance où on dénigre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on dénigre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses lois. Ceci est une chose très grave. Wallahu al-musta'an. Après avoir défini la hijra dans la langue arabe et religieusement, qu'Allah vous préserve, et d'avoir éclairci que la hijra fait partie de la voie des prophètes et des messagers, et qu'elle fait partie des gens, de la voie des gens pieux et vertueux, on va montrer l'obligation de la hijra en mentionnant les preuves du Coran et de la Sunna ainsi que les paroles des savants. Et ceci est la méthodologie des gens de la Sunna. Le musulman et la musulmane doit toujours parler avec preuve, tirée du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est une chose importante de rajouter cela, non pas avec notre compréhension, ou avec nos raisons, ou selon nos goûts, ou nos passions, ou autre chose, mais avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ceci est une chose importante, retenez-la, qu'Allah vous bénisse. Parmi les plus importantes preuves du Coran de l'obligation de la hijra, il y a le verset de Sourate An-Nisa, de Sourate les femmes, que la plupart d'entre vous connaissent. Combien de fois nous avons lu ce verset ou entendu ce verset ? يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction du sens ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où en étiez-vous ? » « Nous étions impuissants sur terre, » dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer ? » Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. L'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à propos de ce verset « Ce verset a été révélé de façon générale au sujet de toute personne qui vit parmi les associateurs et qui est capable de faire la hijra, c'est-à-dire qui est capable de quitter les pays de mécréance pour aller vivre dans les pays musulmans, qui n'est pas capable d'établir sa religion parmi les mécréants. Celui-là se fait du tort à lui-même et il commet un péché selon le consensus des savants, c'est-à-dire l'unanimité des savants. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant, c'est-à-dire le shirk nous dit en délaissant la hijra, il leur sera dit au moment où les anges enlèveront leur âme, au moment de la mort, où en étiez-vous ? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. C'est-à-dire, il dit le shirk, nous étions incapables de partir, nous étions incapables de quitter ce pays de mécréance. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer ? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. » Fin de citation de la parole d'Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Sheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, ce que les savants ont compris ne fait aucun doute. Le verset indique une incitation à la hijra des pays de mécréance. L'imam Al-Qurtubi cite dans son tafsir, volume 5, page 346 pour celui qui veut revenir, il y a dans ce verset une preuve pour quitter les lieux plongés dans le péché et la désobéissance. Et Saïd ibn Jubayr a dit, si la désobéissance est dans un endroit, quitte-le. Puis il récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer ? Fin de la parole de Sheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ces pays de mécréance, mes frères, ne sont-ils pas plongés dans la mécréance et l'association à Allah subhanahu wa ta'ala ? Ne sont-ils pas plongés dans le péché et la désobéissance ? Pas de doute, wallah, qu'ils sont plongés dans la perversité et le secours vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand Mufassir, Al-Sheikh Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit en guise d'explication de ce verset, ce verset est une menace sévère pour celui qui délaisse la hijra alors qu'il a la capacité de la faire jusqu'à ce qu'il meure. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, les anges qui prendront leur âme, les anges les blâmeront d'un grand blâme, d'un blâme sévère, en leur disant, dans quelle situation étiez-vous? Par quelle chose vous vous êtes différencié des polythéistes? Mais vous avez plutôt augmenté leur rang, et il se peut même que vous les ayez secourus contre les croyants, et beaucoup de biens vous ont ainsi échappé. Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Le cheikh nous dit ici, c'est-à-dire ils diront, en n'étant pas véridiques, car Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés et les a menacés, nous étions faibles, incapables de partir, alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Le cheikh nous dit, ensuite il dit à ceux qui n'ont pas d'excuses, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui n'ont pas d'excuses, voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Le cheikh dit ensuite en expliquant le dernier verset, il y a dans ce verset, c'est-à-dire le dernier verset, voilà bien dont le refuge est l'enfer, voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. Il y a dans ce verset une preuve que la hijra fait partie des plus grandes obligations. Et la délaisser fait partie des choses interdites, mais plutôt cela fait partie des grands péchés. Et je répète cette parole, et je demande, et je vous demande, barakallahu fikum, de bien écouter. Il y a dans ce verset une preuve que la hijra fait partie des plus grandes obligations. Et la délaisser fait partie des choses interdites. Mais plutôt, cela fait partie des grands péchés. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve, tous. Fin de la parole, fin de l'explication de Cheikh Sa'di, de ce verset. Je voudrais ici, barakallahu fikum, m'arrêter pour mentionner un point important. Comme vous le savez, les péchés se divisent en deux catégories. Les grands péchés et les petits. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés, c'est-à-dire les petits péchés, comme l'ont expliqué les savants. Nous effacerons vos péchés de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Et sachez que les grands péchés, comme disent les savants, sont tous les péchés qui sont menacés du feu, ou d'une malédiction, ou de la colère d'Allah dans l'au-delà, ou ce qui est rattaché à une peine légiférée dans la vie d'ici-bas. Alors connaître les grands péchés, c'est essentiel pour pouvoir s'en écarter et pour pouvoir obtenir cette récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos petits péchés et pour obtenir le paradis. Car n'as-tu pas peur d'être constamment dans le grand péché car tu es capable de faire la hijra? Mais tu ne la fais pas. Tu te dois de te repentir pour cela. Mais n'oublie pas que le repentir a des conditions. Parmi celles-ci, comme vous le savez, le fait d'abandonner le péché dans l'immédiat, il ne doit pas être retardé. Que le péché soit petit ou grand, il ne doit pas être retardé. Car il est le signe et le chemin de la réussite. Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc celui qui ne fait pas la hijra alors qu'il a la capacité se prive, certes, de l'expiation de ses petits péchés jusqu'à ce qu'il délaisse, jusqu'à ce qu'il évite les grands péchés car c'est une condition que les grands péchés soient évités. Et la preuve de cela est mentionnée dans le hadith d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-salawatul khamsu wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha jtunibatil kaba'ir » Rawahu Muslim. Les cinq prières, c'est-à-dire les prières obligatoires ici, le vendredi jusqu'au suivant, le Ramadan jusqu'au prochain expie ce qui est commis entre eux si les grands péchés sont évités. Et voilà la condition que nous a citée ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si les grands péchés sont évités. Et le hadith est rapporté par Muslim. Médite mon frère, médite ma sœur et ne te prive pas de ce grand bien. Délaisse ce grand péché pour pouvoir obtenir le pardon de ton Seigneur, car c'est une chose très importante. Barakallahu fikum. Quant à celui qui n'a pas la capacité de faire la hijra, en ayant fait toutes les causes possibles, en ayant fait réellement les efforts pour cela, et que toutes les portes lui sont fermées, alors à ce moment, il rentre dans la catégorie des gens qui sont excusés. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la suite du verset, إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Allah dit dans la traduction du sens, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. C'est-à-dire ici, comme a dit Ibn Kathir dans son tafsir, dans son explication de ce verset, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de moyens pour émigrer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à cela, il se peut qu'Allah donne le pardon, Allah est clément et pardonneur. Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera sans aucun doute, car cela résulte de sa générosité et sa bienfaisance. Chacun doit se poser la question en étant sincère et véridique envers lui-même. Fait-il vraiment partie de cette catégorie de personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala les a excusées, ou fait-il partie de l'autre catégorie? Qu'Allah nous vienne en aide. On continue, inshallah ta'ala, l'explication du verset de Sourate les femmes. Le grand imam Ibn Baz, le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit à propos de ce verset, et ce qui vient confirmer l'explication de Sheikh Saadi. Ceux qui sont restés dans ces pays de mécréance et qu'ils n'ont pas fait la hijra, alors qu'ils ont la capacité, Allah les menace de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et pour celui qui veut revenir à plus d'explications, revenir au livre Nourun ala Darb de Sheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'explication de ce verset. Et le grand savant, Al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans l'explication de ce verset, on déduit de ces versets l'obligation d'accomplir la hijra pour quiconque le peut. Son jugement est l'obligation. Et pour cela, Allah a informé sur des gens dont les anges ont repris leur âme injuste envers eux-mêmes à cause de leur délaissement de la hijra et de leur préférence pour les pays de mécréance. Revenir, inshallah ou ta'ala, à l'explication du livre Les Trois Fondements du Shir, Al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Barakallahu fikum. Les explications de ce verset sont trop nombreuses pour toutes les citer. Mais sachez que le plus important, après avoir entendu l'explication de ce verset et l'avoir compris d'une bonne compréhension, celle de nos savants de la Sunna, il est obligatoire pour chacun de la mettre en pratique. Car la religion est basée sur deux choses, la science bénéfique et l'œuvre pieuse. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction du sens, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. C'est-à-dire ici, comme nous dit Sheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve dans l'explication de ce verset, c'est-à-dire la guidée ici est la science bénéfique et la religion de vérité est l'œuvre pieuse. Que chacun alors se pose la question, où en est-il par rapport à ce verset? Il est temps de faire ses propres comptes. Ne mettez pas en danger votre religion. Sachez mes frères, ainsi que mes sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dur en punition. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction du sens, sachez qu'Allah est sévère en punition. Donc n'as-tu pas peur de faire partie de ceux qui font du tort à leur propre personne? N'as-tu pas peur de faire partie de ceux à qui les anges enlèveront leur âme et diront, où en étiez-vous? La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? N'as-tu pas peur de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà bien, voilà bien ce dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. Le croyant et la croyante doit avoir réellement peur de cela. Il doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant et en délaissant ce qu'il a interdit. Cela doit te porter à faire les causes pour te protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour te protéger de sa menace. Et cela est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'a défini Talq ibn Habib à titre de rappel, la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la définition, c'est agir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire la science, en espérant la récompense d'Allah, et c'est également abandonner la désobéissance envers Allah selon la lumière venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, ou plutôt a considéré cette définition comme étant une des meilleures définitions de la taqwa. Comme dans le livre Ar-Risalatu At-Tabukiyya. Donc toi mon frère et toi ma sœur, obéis à Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant la hijra, car tu as la connaissance de cette obligation et espère par cela sa récompense, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et délaisse cette désobéissance en restant de ces pays de mécréance et en retardant ou en délaissant la hijra, car tu as la connaissance de l'interdiction. Délaisse cela par crainte de ton Seigneur. Ne retardez pas les bonnes œuvres, mais plutôt précipitez-vous vers les bonnes actions, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction du sens « est » et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. Hâtez-vous, précipitez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Les versets sont nombreux à ce sujet. Ceci est un encouragement à se précipiter vers les bonnes œuvres et à ne pas les retarder. C'est une concurrence vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant et la croyante doit s'empresser d'œuvrer. Il est sur ses gardes. En effet, il peut être touché par une mort précoce, une mort soudaine, ou il peut être éprouvé par une maladie l'affaiblissant qui l'empêchera d'œuvrer, par la vieillesse et par bien d'autres choses. L'homme doit profiter de sa vie, de sa santé et de sa raison pour accomplir des bonnes actions avant d'en être empêché par la maladie ou autre. Et regardez combien de musulmans sont morts dus à cette maladie qui nous a touchés, qu'Allah nous préserve, qui a touché pratiquement le monde entier, Wallahu al-musta'an. Combien de musulmans ou de musulmanes, combien de croyants ou de croyantes sont morts de cette maladie avant de pouvoir faire la hijra, mes frères, mes sœurs, alors qu'ils avaient peut-être la possibilité de partir. L'affaire est grave. Nous sommes encore éprouvés, walillah alhamd. Précipitez-vous avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas d'être éprouvés, car il n'y aura que le regret par la suite. Tirons des leçons de tout cela et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de réveiller nos cœurs insouciants. Si tu as la capacité aujourd'hui de partir, n'hésite pas, car demain peut-être que tu ne l'auras pas. Si tu as l'envie et la résolution ferme de partir, n'hésite pas, car cette envie peut partir. N'attends pas d'être éprouvé, car nous avons pu voir de nos propres yeux des frères ou des sœurs qui étaient motivés, qui avaient la résolution ferme de partir, mais en retardant au fur et à mesure, l'envie a disparu, qu'Allah nous en préserve. Et c'est une chose que j'ai pu voir de mes propres yeux. C'est une chose qui fait peur. Il faut donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et placer sa confiance en lui tout en étant sincère. Il faut partir le plus vite possible, bien sûr, en faisant les causes pour cela. Barakallahu fikum. Parmi les preuves de l'obligation de la hijra, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Ya ibadiya alladhina amanu, inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction du sens « Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. » Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit dans l'explication de ce verset « Il s'agit d'un ordre émanant d'Allah Ta'ala aux croyants, pour qu'ils fassent la hijra du pays où ils ne sont pas en mesure de pratiquer leur religion, à destination de la terre vaste d'Allah, où il sera possible d'appliquer la religion et le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'adorer comme il se doit et comme il le leur a ordonné. Peut-être que tu te poses la question, est-ce que tu es en mesure de pratiquer ta religion aujourd'hui dans ces pays de mécréance? Médite sur ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Et je me contenterai, barakallahu fikum, de citer qu'une fatwa par rapport à cela. Il dit le Cheikh, qu'Allah le préserve, la hijra est obligatoire lorsque la personne n'est pas en mesure de manifester sa religion dans le pays mécréant. Qu'il n'est pas capable d'appeler à l'islam, qu'il est incapable de réprimander les mécréants pour leur mécréance. C'est de cette capacité dont il est question s'agissant du fait d'être en mesure de manifester sa religion. Certaines personnes disent que la capacité de manifester sa religion, c'est d'être en mesure de prier ou de jeûner. Et que les mécréants ne s'y opposent pas. Non, le cheikh il dit, ce n'est pas ceci qui est demandé. Ce qui est demandé à la personne est de les réprouver, les réprimander pour leur mécréance et leur polythéisme. C'est cela manifester la religion. Mais quant au fait de pouvoir prier et jeûner, personne ne l'empêche. Peu importe l'endroit, que ce soit dans les pays mécréants ou autres. Naam. Fin de citation de la fatwa du Cheikh Al-Fawzan. Dans tous les cas, cette parole devrait te suffire pour comprendre que tu es dans l'obligation de partir. Et en ce qui concerne les ambiguïtés sur ce sujet et les mauvaises compréhensions par rapport à la hijra, tout cela sera expliqué par notre frère Tariq, qu'Allah lui facilite et le préserve, dans l'autre conférence, inshallah ou ta'ala. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit dans son livre Les Trois Fondements, la hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté et le restera jusqu'à l'arrivée de l'heure. Et il cita ensuite le verset de Surat An-Nisa. Puis il cita le verset « Ô mes serviteurs qui avez cru ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. » Puis il mentionna la parole de l'imam Al-Barawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, par le sens. La raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans immigrer, Allah les a tout de même considérés croyants. C'est-à-dire ici, comme disent les savants, que celui qui délaisse la hijra, après qu'elle lui soit obligatoire, n'est pas sorti de l'islam, mais il transgresse par son délaissement. Il commet un grand péché. Il est croyant avec une foi diminuée. Et cela est la croyance des gens de la Sunna. Et je rappelle encore une fois la gravité de cela en vous rappelant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. Comme nous dit l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, qu'Allah lui fasse miséricorde dans l'explication de ce verset. Ceci est une grave menace qui montre l'obligation de la hijra. Alhamdulillah, ceci ne vient que confirmer les paroles qu'on a rapportées auparavant. Tu te dois donc de te motiver à immigrer en cherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, dans le but d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, et pour faire triompher sa religion et ses alliés. Car tu as été créé pour un seul but, comme tu le sais. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. À partir du moment où tu as compris cela, que tu existes pour l'adoration d'Allah, et qu'Allah t'a donné des ordres que tu dois respecter et pratiquer, et qu'il t'a interdit des choses que tu te dois de délaisser, à ce moment-là, tu te remets en question. Et tu te poses la question, mon frère. Tu te poses la question, ma sœur. Fais-je partie des gens qui respectent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les mettent en pratique? Est-ce que je fais partie des gens qui délaissent les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Aie la résolution ferme de quitter ces pays de mécréance, car tu dois mettre en pratique les ordres de ton Seigneur le plus vite possible. Et ne dis pas bientôt, bientôt je le ferai, jusqu'à ce que la mort te parvienne, sans que tu ne puisses faire la hijra, sans que tu ne puisses obtenir l'agrément d'Allah. Prends garde à dire plus tard, je partirai. Prends garde à dire après, j'obéirai à Allah plus tard. Je délaisserai ses interdits. Car peut-être un jour viendra dans lequel tu mourras sans avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, peut-être que tu feras partie des gens qui diront, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ. Oh Allah, fais-moi. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Ça sera trop tard. Tu ne pourras revenir. Qu'Allah nous en préserve. Donc ne soyez pas des gens qui retardent les bonnes œuvres jusqu'à ne pas les faire. Na'am. Oui, cette dunya, mes frères et sœurs, va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui s'y trouve va disparaître. Il ne restera que le visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Délaissez cette dunya, mes frères et sœurs, car elle ne va pas rester. Comment peux-tu oublier ou retarder l'obéissance à Allah alors qu'il y a tout le bien dedans pour toi? Comment peux-tu oublier les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il y a tout le mal dedans pour toi? Car c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ces choses. Ne soyons pas occupés par notre vie présente, nos distractions et jeux, au détriment de notre vie future. Cette vie d'ici-bas n'est qu'éphémère, tandis que la vie de l'au-delà est éternelle. Œuvrons donc pour ce qui est voué à rester. Et ne soyons pas occupés par ce qui va disparaître. Qu'Allah nous accorde la réussite à tous dans les paroles et œuvres pieuses. On continue l'explication, Inch'Allah. On continue à montrer l'obligation de la hijra. Parmi les preuves de l'obligation de la hijra, il y a beaucoup de hadiths, de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportées qui prouvent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait d'y habiter. Et la question, à plusieurs reprises, fut posée au grand cheikh, au grand imam al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur le fait de résider dans un pays de mécréance. Il répondit au début de la question, « Y a-t-il un quelconque doute sur cela ?» Y a-t-il un quelconque doute sur cela? Car à ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer ?» Ensuite, le shir mentionna quelques ahadiths qu'on va mentionner par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shir nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, parmi cela, il y a le hadith rapporté par Abu Daoud dans ses sunan. D'après Samura ibn Jundub, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man jama'a al-mushrik fa huwa mithlu » ou « Man jama'a al-mushrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithlu » rawahu Abu Dawud wa ghayruhu wa hassanahu al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui s'entremêle aux mécréants devient comme lui » et dans une autre version « Celui qui s'entremêle aux mécréants et cohabite avec lui devient comme lui. » Et le hadith est jugé bon par Sheikh al-Albani dans As-Silsila As-Sahiha. Le Sheikh nous dit ce qui signifie ici, dans le hadith, celui qui s'entremêle, c'est-à-dire qui se mélange à eux. Wallahu al-musta'an. Et d'autres hadiths sont venus souligner ce sens avec la plus claire formulation. Il dit sallallahu alayhi wa sallam Al muslimu wal mushriku la tatara'a naruhuma. La tatara'a naruhuma. Le musulman et le polythéiste, leur feu ne doit pas apparaître l'un à l'autre. Leur feu ne doit pas apparaître l'un à l'autre. Et le hadith est rapporté dans les sunan de Abu Dawud et il est authentifié par Sheikh al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Le cheikh nous dit, c'est une expression dans le hadith, hein, le feu, leur feu ne doit pas apparaître l'un à l'autre. Il dit, c'est une expression qui signifie qu'il incombe aux musulmans que sa résidence soit loin de la résidence du polythéiste. Parce que les Arabes, parmi leurs coutumes, c'est qu'ils allumaient le feu devant leur demeure. devant leur tente afin que le feu apparaisse à celui qui approche de loin. Donc, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans, reste loin, reste aussi loin que tu le peux d'avoir un mécréant polythéiste qui voit ton feu. Le musulman et le polythéiste, leur feu ne doit pas apparaître l'un à l'autre. Fin de l'explication du shir, al-Albani, rahimahullah. Que dire aujourd'hui ? Hein, que dire d'aujourd'hui où le musulman et la musulmane résident dans leur pays et habitent à côté d'eux ? Le mécréant est ton voisin, la mécréante est ta voisine. Certains même habitent avec eux dans la même maison. Qu'Allah nous vienne en aide. Il faut prendre garde, ikhwa. Barakallahu fikum. Un troisième hadith insiste également sur cela, le cheikh nous dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela dans un hadith très important qui contient une grande frayeur. Et je demande à tout le monde d'écouter attentivement. Barakallahu fikum. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, je me désavoue de tout musulman qui réside parmi les polythéistes. Je me désavoue de tout musulman qui réside parmi les polythéistes. Naam, ici tu dois avoir peur. Car ce hadith, comme a dit Cheikh Al-Albani, contient une grande frayeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, je me désavoue. Et on va expliquer, inshallah wa ta'ala, cette parole. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, selon Jarir ibn Abdullah, et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah wa ta'ala. Et le Cheikh finit par dire, tous ces hadiths sont des textes clairs qui soulignent qu'il n'est pas permis aux musulmans de résider chez les polythéistes. Et la sagesse y est très claire. Naam. Al-Sheikh Al-Uthaymin, qui fait partie des grands savants, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit dans l'explication de ce hadith, je me désavoue de tout musulman qui réside parmi les polythéistes, ce hadith prouve l'interdiction pour le musulman de résider dans les pays de mécréance. Et cela fait partie des grands péchés, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de lui. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de celui qui fait cette action signifie que son action fait partie des grands péchés. Qu'Allah nous en préserve. Revenir à l'explication du livre Boulour al-Maram de Cheikh al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et Cheikh al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous dit dans l'explication de ce hadith, dans l'explication du livre Boulour al-Maram, le sens de ce hadith est qu'il est interdit pour le musulman de résider parmi les polythéistes car cela est une contradiction au texte, le Coran et la Sunna. C'est une contradiction au texte, le Coran et la Sunna qui prouvent l'obligation de faire la hijra. Et le cheikh nous dit le sens du mot « bari'un », « je me désavoue ». Il dit le sens de cela est une menace. Ce n'est pas le sens qu'il devient mécréant. Mais le sens est qu'il commet un interdit et c'est une menace pour lui. Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit dans le livre des trois fondements. La preuve de l'immigration tirée de la sunna se trouve dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a al-tawbah » وَلَا تَنْقَتِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. L'émigration ne cessera lorsque cessera le repentir, et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera à son occident. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, selon Muawiyah, qu'Allah l'agrée, et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Comme disent les savants ici, la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son livre Les Trois Fondements, quand il dit « La preuve de la hijra dans la sunna », c'est-à-dire ici l'obligation de quitter la terre d'association de mécréance pour aller vers la terre d'islam, fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous a été ordonné de suivre. Et la hijra sera obligatoire tant que le repentir sera accepté. Naam. Fin de citation de la parole de Mohammed, de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. J'aimerais ici mentionner qu'Allah vous préserve un hadith très important, plus particulièrement pour les convertis à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul La yaqbalu Allahu min mushrikin ashraka ba'da ma aslama 'amalan hatta yufariq al-mushrikin ila al-muslimin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah n'accepte aucune action d'un mécréant devenu musulman jusqu'à ce qu'il quitte les mécréants pour les musulmans. Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah et il est authentifié par Sheikh Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Le Sheikh Al-Albani nous dit dans l'explication de ce hadith que c'est une condition de quitter ces pays de mécréance pour aller vers les pays de l'islam pour que les œuvres soient acceptées auprès d'Allah pour le convertir à l'islam. Et le Sheikh nous rapporte deux causes principales dues au fait que les convertis ne fassent pas la hijra. Le Sheikh dit, soit la cause de cela est leur attachement à la vie d'ici-bas, qu'Allah nous en préserve, ou soit à leur ignorance du jugement de faire la hijra. Fin de citation de la parole de Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc après avoir mis en évidence le jugement de la hijra, et qu'elle est obligatoire selon la capacité, après avoir eu la connaissance de ce hadith, tu te dois donc de partir au plus vite. Place ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui de l'aide. Invoque-le matin et soir. Et sache que la subsistance t'a été écrite alors que tu étais dans le ventre de ta mère. C'est pour cela que tu dois avoir confiance en la subsistance de ton Seigneur. Et la conviction ferme que si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as confiance en lui, il te trouvera une issue de secours et te donnera la subsistance. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction du sens est « Et quiconque craint Allah, il l'orientera vers une issue de secours et il lui accordera la subsistance de là où il ne compte pas. » Les versets du Coran ainsi que les hadiths qui montrent l'obligation de faire la hijra qu'on a mentionné te suffisent, barakallahu fik, pour quitter ces pays de mécréance. Une preuve du Coran ou une preuve de la sunna devrait te suffire pour faire cette obligation et délaisser cet interdit. Alhamdulillah, on a pu mentionner plusieurs preuves du Coran et de la sunna. Et on a mentionné aussi l'unanimité de cela, l'unanimité des savants dans l'obligation de faire la hijra pour celui qui a la capacité. Donc après tout cela, mon frère, ma sœur, tu te dois de quitter ces pays sans le moindre regret. Que recherches-tu dans ces pays où tu observes l'obscurité de la mécréance et de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala ? N'éprouves-tu pas de honte à voir tous les jours autour de toi la perversité de ces pays ? N'as-tu pas peur de tomber dans la mécréance ou dans la perversité qu'Allah nous en préserve ? Ne te sens pas à l'abri. Ne te sens pas à l'abri tant que tu vis parmi eux. Tant que tu es dans ces pays sombres, aux conséquences catastrophiques. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah dans ses fatawa nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, nul n'est à l'abri de l'association sans se différencier de ces gens, sans se différencier de ces mécréants. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Différencie-toi des mécréants en t'éloignant d'eux. Quitte leur pays pour être à l'abri, toi et ta famille. Ya ayyuha alladhina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Al-aya. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Ceci est la parole de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, que celle-ci soit constamment dans nos esprits. Craignez Allah, mes chers frères et sœurs. Faites vos propres comptes, car nous sommes actuellement dans une période de trouble. Et le mal est déchaîné. Allah, dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa parole dans un hadith « Badiru bil a'mali fitanan ka qita'i l'layli l'mudhlim yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira ou yumsi mu'minan wa yusbihu kafira يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَدٍ مِنَ الدُّنْيَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: empressez-vous d'accomplir des bonnes œuvres avant que ne parviennent des troubles obscurs tels la nuit noire. L'homme se réveillera croyant et se retrouvera le soir mécréant. Et le soir, il sera croyant et se réveillera mécréant, vendant sa religion contre quelques biens de ce bas monde. Et le hadith est rapporté par Muslim selon Abu Huraira, radiallahu anhu. La question fut posée au grand imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, dans l'explication de ce hadith. Il dit: c'est-à-dire que l'étrangeté de l'islam va s'intensifier jusqu'à ce que le croyant sera au petit matin musulman et deviendra le soir mécréant, et inversement. Il sera le soir croyant et le matin mécréant. Il vendra sa religion contre des biens de ce bas monde. Jusqu'à la fin de l'explication de ce hadith. Et je vous invite, barakallahu fikum, à regarder l'explication de ce hadith, car il est très important. Et il est très bénéfique. Naam. Donc ne soyez pas étonnés. Certes, nous avons vu de nos propres yeux ou entendu de sources sûres. C'est la réalité, mes frères, mes sœurs. Naam. Des gens ont fini par apostasier, qu'Allah nous en préserve. Ils ont fini par quitter l'islam. Ils étaient sur l'islam, walillahi alhamd. Ils étaient sur la sunna. Ils étaient sur la voie droite. Les causes pour en arriver là sont nombreuses, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut et il égare qui il veut. Mais il faut te préserver de cela. Il faut faire les causes pour s'en préserver. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement. Il faut faire les causes pour s'en préserver. Et les causes, c'est de se désavouer des mécréants. Totalement. Car c'est une obligation, mais plutôt un fondement parmi les fondements de la croyance. Et le meilleur moyen pour t'en préserver est de quitter ces pays de mécréance et de faire la hijra. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala et écartons-nous de ces interdits. Il faut faire la hijra pour celui qui a la capacité. Et celui pour l'instant qui ne peut pas faire cette hijra, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de tout mal. Et qu'il s'attache au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des plus prédécesseurs. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas et ne soyez pas divisés. Voici mon conseil, barakallahu fikum. Car le sujet de cette conférence demande plus qu'une seule conférence. Mais on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant et Grand, de m'avoir permis de faire cette conférence. Et j'aimerais finir, inshallah ta'ala, par un hadith très important. Un hadith que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et je vais le citer en français, inshallah ta'ala, car il est assez long. D'après Sabra ibn Abi Faqih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le shaytan a certes préparé tous les moyens pour perdre le fils d'Adam, pour l'égarer. Il prend place sur la voie de l'islam en disant: vas-tu embrasser l'islam et délaisser ta religion et celle de tes ancêtres? Il lui désobéit alors et embrasse l'islam. Il se place alors sur le chemin de l'immigration en lui disant: vas-tu émigrer et délaisser ta terre et ton ciel? L'immigrant est à l'exemple du cheval attaché. C'est-à-dire le cheval est attaché pour qu'il ne puisse se sauver. Il lui désobéit et émigre. Alors il prend place sur la voie du djihad en lui disant: c'est un grand effort. Vas-tu combattre et te faire tuer? Et tes biens seront divisés et ta femme se remariera. Il lui désobéit et combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: celui d'entre eux qui fait cela puis meurt, c'est un devoir envers Allah de le faire entrer au paradis. Ou s'il est tué, c'est un devoir envers Allah de le faire entrer au paradis. Et s'il meurt noyé, c'est un devoir envers Allah de le faire entrer au paradis. Et si sa monture lui rompt le cou, c'est un devoir envers Allah de le faire rentrer au paradis. Et le hadith est rapporté par Ahmed, Wan-Nasa'i, وابن حبان. Il est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc médite sur ce hadith, mon frère, ma sœur. Ne sois pas de ceux qui suivent le chemin du shaytan, les pas du shaytan. Ya ayyuha alladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Wa man yattabi'u khutuwati shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Allah dit dans la traduction du sens, ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Naam, le shaytan est là pour t'égarer. C'est son but, comme tu le sais. C'est ton ennemi. Au moment où tu vas vouloir faire la hijra, mon frère, ma sœur, il se placera sur ton chemin et fera tout pour t'en empêcher si Allah le veut. Donc sois fort à ce moment-là. Demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala et place ta confiance en lui. Il te suffira. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant et Grand, de nous avoir permis de faire cette conférence. Et j'espère que celle-ci sera une cause pour mes frères et sœurs qui l'écoutent et qui l'écouteront de pratiquer cette œuvre pieuse qui est la hijra. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de nous faciliter et de faciliter mes frères et sœurs afin qu'ils puissent faire la hijra. Certes, la réussite provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'erreur vient de moi et du shaytan. Et si j'ai fait une quelconque erreur, n'hésitez pas à me corriger pour celui qui peut. Barakallahu fikum. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. Qu'Allah couvre d'éloge notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته